Aujourd'hui, dans une édition toute propre de La Connexion. John McCain est-il fan de Medal of Honor? La dernière semaine de travail de Bill Gates. Un homme met toute sa vie aux enchères pour recommencer à zéro. Et une tasse d'eau seulement pour laver ses vêtements. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Bonjour, moi c'est Mathieu Plante, très heureux d'être avec vous, comme toujours à chaque semaine, pendant deux heures pour parler des choses qui nous intéressent, des choses qui nous importent le plus. Nous sommes en direct des studios de C'est fou en ce mardi 24 juin. Et on t'en rappelle les jeudis à 11h et les lundis à 10h aussi, donc bienvenue à vous tous. Dans quelques minutes, on va faire le bloc F5 jeux vidéo. On va parler entre autres de Majesco Studios qui répond aux accusations de plagiat par rapport au jeu Limbo of the Lost. On va aussi parler d'Atari qui demande le retrait de mauvaises critiques de Alone in the Dark. Mais avant, en musique, voici la formation Elephantine. Assez fou 89.fm. Vous écoutez La Connexion. C'est dans vos oreilles. Servir les rois sans regard, oublier la lumière. Et Fantine, n'oubliez la lumière des phares à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est l'heure du bloc F5 jeux vidéo, donc les nouvelles vidéoludiques de la semaine. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire parue un petit peu plus tôt ce mois-ci, ayant mis de l'avant de nombreuses similitudes trouvées dans le jeu Limbo of the Lost de Majestic Studios avec d'autres jeux. En fait, ces similarités sont si semblables que certains ont affirmé que Majestic Studios avait copié plusieurs jeux à succès de façon délibérée. Or, le petit studio a répondu à ces accusations en niant bien sûr tous les faits. Voici donc la réponse officielle émise par Majestic Studios, dont GameSpot a obtenu copie. L'article vient de hardgamers.com et je cite: en réponse à l'avis choquant à l'effet que du matériel non autorisé soumis par des sources externes à l'équipe de développement a été trouvé dans le jeu Limbo of the Lost, nous, l'équipe de développement, avons donné notre consentement et notre entière coopération aux deux distributeurs qui ont rappelé toutes les unités du jeu de tous les marchés immédiatement. S'il vous plaît, veuillez vous assurer que nous ne supportons pas d'aucune façon l'utilisation de matériel non autorisé et que si nous avions été au courant plus tôt, nous aurions bien sûr cessé le développement du produit et rectifié le problème avant le processus de publication. Nous ne pouvons que nous excuser de ce problème. En tant qu'équipe, nous sommes sous le choc et abasourdis de ces événements et nous continuons à travailler avec les distributeurs mentionnés afin de rectifier ce problème. Fin de la citation. Avec tout le matériel trouvé par les joueurs et présentant des similitudes troublantes avec d'autres jeux, il faudrait carrément refaire Limbo of the Lost afin que ce dernier ne soit pas la copie d'autres titres. Les chances de revoir ce jeu sur le marché sont donc plutôt minces, du moins à court terme, compte tenu des moyens plutôt limités de Majestic Studios qui, on le rappelle, n'est composé que de 3 personnes. Encore dans la controverse, un petit résumé. Jack Thompson, l'avocat en guerre contre l'industrie du jeu, est toujours en plein procès mené contre lui par le barreau de Floride en vue de sa radiation pour une durée de 10 ans. On se souvient que lors d'audiences préliminaires, Thompson avait quitté la salle en furie après que le juge ait refusé de lui redonner la parole. Le nouveau développement amusant de cette semaine, c'est l'arrivée surprise de 2 US Marshals au domicile de l'avocat envoyé par le juge Moreno en charge de l'affaire. Il semble que le juge ait trouvé judicieux de faire passer un message à Thompson après la réception d'un courrier dans lequel l'avocat se plaint de vices de procédure et de harcèlement envers sa personne. La foudre aurait frappé à la lecture de ce passage précis et je cite: hier, nous avons pu constater que les soldats ennemis de Guantanamo peuvent s'attendre à un procès plus équitable que moi. Je suppose que mon erreur a été de ne pas tuer 3000 personnes pour appuyer mes idées. On se demande bien ce qui a pu faire tiquer le juge dans tout ça, surtout qu'on sait que M. Thompson écrit de très jolies lettres. Allez voir le lien pour un petit rappel des lettres que monsieur écrit. Et comme l'homme est véritablement en passe de devenir fou, il ne compte pas s'arrêter là et aurait, selon les derniers ragots, écrit à Washington pour faire savoir que le département de la justice le harcèle. L'article vient de jeuxvideo.com. Jack Thompson, tout le monde le déteste, tout le monde aime le détester. C'est comme un roman savon, c'est beau à voir. Encore dans la controverse, on reste dans le même domaine. C'est pas un secret pour personne, dit GameCult.com. Les politiciens américains ne sont jamais les derniers pour exalter leur amour du drapeau, picorant frénétiquement dans les références historiques à chacune de leurs professions de foi. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que certains n'hésitent pas à papillonner du côté des jeux vidéo pour faire campagne. C'est ainsi que le candidat républicain à la Maison-Blanche, John McCain, s'est fait prendre la main dans le sac en utilisant, sans avoir au préalable demandé une quiconque autorisation, le thème musical de Medal of Honor, les Faucons de guerre, en France, pour les besoins d'un spot télévisé. Ici, on ne doute pas un instant que les notes épiques du titre de Electronic Arts s'intègrent parfaitement au discours larmoyant du vétéran de l'armée américaine. Cette anecdote n'aura visiblement pas été du goût de leur compositeur, Christopher Lennertz. Logiquement agacé de ne pas avoir été consulté par l'équipe de campagne de McCain, celui-ci n'a d'ailleurs pas fait mystère de ses couleurs politiques suite à cet incident. Et je cite: « En tant qu'artiste, entrepreneur et patriote, je suis fier de soutenir le sénateur Barack Obama pour la course à la présidence des États-Unis. » Est-ce vraiment surprenant? Enfin, l'article vient de Game Politics via GameCube.com. Donc, John McCain qui pique des musiques de jeux vidéo comme si les gens n'allaient pas s'en rendre compte. C'est pas une pièce obscure là, que personne connaît d'il y a si longtemps. C'est une pièce de jeu vidéo assez populaire, Medal of Honor, c'est quand même. Vous vous rappelez peut-être de la controverse entourant le jeu Driver à travers laquelle Atari aurait offert des compensations monétaires à divers sites en échange de bonnes critiques au sujet du jeu. Eh bien, une controverse semblable fait la manchette ces jours-ci, cette fois-ci concernant les critiques publiées en avance du jeu Alone in the Dark. Selon divers rapports, Atari aurait entamé une poursuite judiciaire contre le site allemand 4Players concernant la mise en ligne de sa critique du jeu Alone in the Dark qui sera lancée la semaine prochaine. L'article date du début de cette semaine, donc oui, c'est bien la semaine prochaine. Atari, en se basant sur la date de publication de la critique, affirme que cette dernière a été écrite à partir d'une copie piratée ou encore d'une version préliminaire du jeu. Ainsi, le score de 68% attribué au jeu par le site ne serait pas valable selon Atari et celle-ci poursuit le site afin d'obtenir une compensation pour cette mauvaise critique. Four Players s'est déjà défendu par le biais d'un éditorial en stipulant qu'il a obtenu une copie du jeu par l'entremise d'un détaillant et en vendu des copies en avance du jeu d'horreur. Four Players n'est toutefois pas le seul site qui aurait subi la contrariété de Atari dans cette affaire. En effet, le site scandinave Game Reactor, qui a attribué la note de 30% à Alone in the Dark, s'est vu demander de retirer sa critique du jeu. Atari aurait affirmé au site que sa critique a été écrite à partir d'une version piratée puisque les versions finales du jeu auraient été envoyées aux médias un jour avant la publication de la dite critique. Et je cite, « Atari nous a contactés quelques minutes après qu'il ait été publié, affirmant que notre critique est probablement basée sur une version préliminaire ou piratée du jeu. Il nous a demandé de l'enlever, a déclaré Thorstenar Nastad Tangdal, du site Gamer.no, un autre site ayant attribué une mauvaise note à Alone in the Dark, 30%. Nous ne l'avons jamais enlevé, bien sûr. » Fin de la citation. Gamer.no est un autre site affirmant avoir obtenu une copie du jeu par le biais d'un détaillant plus tôt cette semaine. Enfin, Atari aurait également demandé au site Gamer.nl, qui a attribué la note de 50% au jeu, de retirer sa mauvaise critique de Alone in the Dark. Or, selon les dires d'un rédacteur de ce site, Atari n'accepterait pas de laisser en ligne et en avance que les bonnes critiques au sujet du jeu. Voilà. Et je cite, à peine une heure après l'avoir publié, la critique, Atari a appelé afin de demander son retrait, affirmant que c'était sous embargo jusqu'à vendredi, a déclaré Erwin Bergovet, rédacteur chez Gamer.nl. Notre copie nous a été envoyée par Atari et n'était pas une copie piratée. Ils nous ont explicitement dit qu'ils ne laisseraient que les critiques positives briser la date de l'embargo. Fin de la citation, hein? Attendez-vous donc à une réponse d'Atari niant tous ces faits au cours des prochains jours, dit l'article de hardgamers.com. Chose certaine, il ne s'agirait pas de la première fois qu'Atari se retrouverait au centre d'une controverse afin que seules les critiques positives d'un jeu, soi-disant moyen, soient visibles. Ouais. Le départ de Tomonobu Itagaki de chez Tecmo aura finalement eu des répercussions inattendues. En effet, deux semaines après que Itagaki ait déposé une poursuite contre son ancienne compagnie, on en parlait la semaine dernière, voilà qu'on apprend qu'un recours collectif a été intenté par tous les employés de Tecmo contre cette dernière. Selon les documents de la poursuite, les 300 employés de Tecmo traînent en cours cette dernière pour violation de droits de travail. En fait, selon la poursuite, Tecmo aurait mis en place un plan illégal d'heures flexibles il y a 4 ans dans le but de ne pas payer ses employés pour leur temps supplémentaire. Tecmo aurait de plus falsifié des documents afin de couvrir cette pratique illégale. La firme aurait ignoré plus de 100 heures de travail supplémentaire de ses employés par mois depuis l'instauration de ce système. Les employés de chez Tecmo demandent pas moins de 8,3 millions de yens à la firme pour toutes ces heures supplémentaires non payées. Néanmoins, les avocats chargés de l'affaire examinent de près celle-ci afin de voir si Tecmo n'aurait pas violé certaines lois du travail, ce qui pourrait faire grimper le montant demandé par la poursuite s'il s'avérait que Tecmo aurait violé ces lois, notamment en créant de faux documents. L'article vient de Kotaku via Hardgamers. Et toujours dans le domaine de Tecmo, ceux qui attendaient des déclarations flamboyantes de Tomonobu Itagaki au sujet de son départ de Tecmo devront patienter au moins jusqu'à la fin des procédures judiciaires entre les deux parties. Parce qu'en effet, Tecmo a frappé Itagaki d'une ordonnance l'empêchant de ternir l'image de la compagnie. Selon le document obtenu par la presse japonaise, Itagaki ne peut dévoiler de secrets de Tecmo et ne peut également faire de déclarations au sujet des ventes, du développement et des jeux de la firme. De plus, Itagaki ne peut utiliser une quelconque forme de média, ça inclut les journaux, les magazines et l'Internet, afin de bafouer les jeux et les employés de Tecmo. L'ancienne tête dirigeante de Team Ninja ne peut également ternir l'image de la compagnie aux yeux de compagnies tierces en émettant des commentaires peu élogieux au sujet de Tecmo et il ne peut accepter d'entrevue au sujet de Tecmo ou bien parler aux médias au sujet de la firme. Il peut rien faire donc. Itagaki doit être plutôt mécontent de la situation. Le producteur ne s'étant jamais gêné pour critiquer ce qu'il n'aime pas par le passé. À noter que Tecmo ne prévoit pas arrêter les franchises Ninja Gaiden et Dead or Alive malgré le départ de leur producteur. En effet, la firme a récemment déclaré que malgré le départ de l'ancien dirigeant de Team Ninja, elle continuera à développer les jeux de ces deux franchises. L'article vient de GameSpot. Lors d'une entrevue avec le site Crave, le président de la PC Gaming Alliance, Randy Stude, s'est attaqué aux chiffres de vente rapportés tous les mois sur le marché PC par le cabinet d'études NPD. Il semblerait en effet que l'organisme considéré comme la référence pour les charts nord-américains n'ait commencé à comptabiliser les revenus tirés des abonnements aux nombreux MMO, c'est des jeux massivement en ligne. PC, que depuis le premier trimestre de 2008, près d'un milliard de dollars, soit environ 645 millions d'euros de revenus auraient été ainsi occultés par les rapports de NPD, qui étaient souvent cités pour illustrer le déclin supposé du jeu vidéo sur PC. L'article vient de Game Cult. Le SRB, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est l'organisme qui contrôle la classification des jeux aux États-Unis. C'est aussi un excellent moyen de tomber sur des jeux dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, puisqu'il est fréquent que la classification d'un titre soit dévoilée sur le site de l'ESRB avant même son annonce. Cet âge d'or de l'annonce prématurée est voué à prendre fin, puisque l'organisme, face à la grogne des éditeurs, développeurs et équipes marketing presse, se prépare à mettre en place une fonction permettant, lors de la soumission d'un jeu au groupe, de masquer son titre jusqu'à une date butoir déterminée à l'avance. On se doute que la fréquentation du site de l'ESRB va chuter de manière drastique, dit jeuxvideo.com. Très certainement, les scoops vont être un petit peu moins fréquents. Là. Il y avait beaucoup de fuites. Là. Ben, en fait, c'était pas des fuites parce que bon, c'était sur un site officiel. Mais bon, il y a des gens qui apprenaient des suites, disons, de jeux là-dessus. Un Mega Man 9, n'est pas vraiment. Ensuite, certainement interpellé par la nouvelle d'hier concernant un second jeu vidéo inspiré par Le Parrain. Hein? Oui, bon, hier étant un grand mot. La famille de Mario Puzo, auteur du livre dont est tiré le film, vient de se réveiller et de se rappeler qu'un accord avait été signé avec Paramount pour toucher des royautés, des royalties, sur tous les produits dérivés audio et vidéo liés au film. Donc, les héritiers avouent n'avoir rien reçu à la sortie du premier jeu et réclament désormais au studio de cinéma un petit million de dollars de dommages pour cette rupture de contrat. On signale tout de même que des discussions avaient déjà été entamées en 2007 entre la famille et le studio sans pour autant aboutir à quoi que ce soit, d'où cette relance qui tombe à point nommé, dit jeuxvideo.com. Le cabinet PricewaterhouseCoopers vient de livrer une étude portant sur l'évolution des marchés du divertissement et des médias. Ces conclusions prouvent une fois de plus que le marché du jeu vidéo est en pleine explosion, puisque selon les projections de l'étude, les ventes devraient progresser de plus de 10% d'ici à 2012. En milliards de dollars, ça signifie que les ventes globales du secteur passeront de 41,9 milliards de dollars à 68,3 milliards. La projection place donc le marché du jeu devant tous les autres secteurs du divertissement et des médias, à l'exception de la publicité en ligne. Sans surprise, ce sont les consoles qui se taillent la part du roi avec une progression annuelle attendue de 6,9% pour des revenus qui bondiront de 24,9 milliards à 34,7 en 2012. Le jeu PC, en revanche, serait le seul à régresser avec une chute de 1,2%. PricewaterhouseCoopers estime que cette progression phénoménale est à mettre sur le compte de divers facteurs, parmi lesquels il cite l'arrivée de téléphones portables capables d'afficher divers jeux sur des écrans plus performants. Hein? La progression du marché en ligne, aussi l'explosion des MMORPG, les jeux de rôle massivement multijoueurs et en ligne, générant énormément de profits et surtout prouvant qu'un analyste, ce n'est pas la moitié d'un imbécile. L'importance des suites de grandes séries historiques telles que GTA, Halo, Guitar Hero ou Spider-Man dans le cas de ce dernier, nous risquons d'être servis, dit jeuxvideo.com. OK. Beaucoup de choses que je comprends pas dans les articles de jeuxvideo.com. D'après une étude dirigée par le bureau Nielsen pour l'agence de publicité IGA Worldwide, 82% des consommateurs réagissent positivement à la publicité dans les jeux vidéo. 61% d'entre eux déclarent même avoir une meilleure opinion des produits présentés après avoir joué. L'étude tend d'ailleurs à prouver, à travers une avalanche de statistiques, que le jeu vidéo est en passe de devenir un support publicitaire de premier choix. Il permet de bien mémoriser les produits et de faire des associations positives avec les marques. Voilà. La PDG de IGA Worldwide, le PDG, jubile et je cite... Maintenant que les jeunes adultes passent en moyenne 6 heures par semaine à jouer, les annonceurs devraient se réjouir de voir comment leurs messages sont accueillis et combien les marques sont perçues positivement. Et Dave Anderson de chez Activision dit « D'après cette étude, il est clair que l'écrasante majorité de consommateurs a au moins autant, sinon plus apprécié son expérience de jeu avec la présence de pubs dynamiques. » Inutile de préciser qu'on devrait assister dans les années qui viennent à une véritable déferlante de pubs dans les jeux dont le prix ne sera pas forcément revu à la baisse. En compensation, c'est ça qui est dommage, ils mettent des pubs dans les jeux, mais les prix des jeux eux-mêmes ne descendent pas. Et l'invasion a déjà commencé. Par exemple, Electronic Arts intègre de la publicité dans toutes ses simulations sportives jusqu'à faire acheter aux joueurs des vêtements de marque virtuelle. Les 18% de grincheux qui ne supportent plus de voir des panneaux de pub jusqu'au fin fond du Cantal n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Dit encore une fois, jeuxvideo.com et leurs expressions douteuses. Déjà, 6 boutiques albertaines de Future Shop ont commencé à vendre des jeux usagés et le reste des 113 magasins de la chaîne débuteront d'ici la fin de l'été. Selon les dires de la directrice du marchandisage de la chaîne, le but premier est d'aller chercher une clientèle jeune entre 12 et 18 ans et de les fidéliser pour le restant de leur vie. Un peu comme les cigarettes, il me semble. Elle prédit aussi que les ventes de jeux doubleront d'ici 5 ans. Pour réussir à compétitionner contre les gros joueurs déjà sur le marché, tels que Microplay et EB Games, Future Shop entend diminuer sa marge de profit pour vendre au meilleur prix du marché. Sachant que présentement, un jeu usagé ne coûte que 10$ de moins qu'un neuf et que le rachat ne rapporte pour ainsi dire pas grand-chose, il est à espérer que ce nouveau joueur provoquera des baisses de prix généralisées, dit Argamers via un article de technote.cyberpresse.ca. Le magazine économique américain Forbes s'est intéressé au marché des jeux vidéo en Europe et d'après son enquête, il semblerait que ce soit le continent européen qui ait le plus gros potentiel de progression des ventes. En effet, alors qu'en 2007, les jeux vidéo ont généré 18,8 milliards de dollars aux États-Unis, l'Europe a plafonné à 17,9 milliards. Ces chiffres semblent assez proches, mais il faut savoir que dans cette étude, la population étudiée est deux fois plus importante sur le vieux continent. D'après les analystes, le marché européen n'est donc pas encore mature, contrairement à celui du Japon et des États-Unis. Résultat, dans les prochaines années, la progression des ventes se fera essentiellement sur le vieux continent. Les trois constructeurs de consoles l'ont bien compris. Pour Microsoft, l'Europe sera un des principaux champs de bataille dans le futur. Pour Sony, l'Europe est déjà un marché très important, puisque c'est certainement là où les consommateurs sont les plus fidèles à la marque PlayStation. Quant à Nintendo, son traitement de l'Europe commence à s'améliorer. Considéré auparavant comme la dernière roue du carrosse par le géant japonais, le continent est désormais une région à privilégier. On l'a d'ailleurs vu récemment avec la sortie de Wii Fit qui a eu lieu d'abord en Europe avant les États-Unis. Donc ça s'améliore, mais c'est pas encore la panacée lorsqu'on regarde certains titres qui ne sortent pas du Japon et d'autres qui paraissent en Europe plusieurs mois après les États-Unis, dont Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. L'article est de jeuxvideo.com. Parlant d'Europe, d'après l'Institut IDG, voici quelles ont été les meilleures ventes de jeux vidéo en Europe en 2007. On remarque une grande variété des genres dans ce classement. Jeux d'action, de foot, de course, les Européens ont visiblement des goûts très éclectiques, dit encore une fois jeuxvideo.com. En 10e, on retrouve les Simpsons, le jeu. Ensuite, c'est Cerebral Academy, Call of Duty 4 Modern Warfare, Assassin's Creed, Need for Speed Pro Street, New Super Mario Bros. En 4e, c'est Pro Evolution Soccer 2008. En 3e, Wii Play. En 2e, FIFA 2008. Et en 1e, c'est Programme d'entraînement cérébral du Dr. Kawa. Washima. Maintenant, parlons des 25 ans de Capcom. Donc, il y a quelques jours à peine, Capcom célébrait son 25e anniversaire. Donc, voilà de quoi ne pas rajeunir les fans de Ghosts and Goblins, Bionic Commando, Mega Man ou Street Fighter. Le mois prochain, Capcom dévoilera deux projets secrets au E3. Quelle surprise attendent les fans de Capcom, demande Jouet.com. Si le Capcom d'aujourd'hui est davantage reconnu pour ses franchises plus récentes, telles Resident Evil, Devil May Cry ou Dead Rising, le Capcom d'autrefois est toujours bien en vie. L'éditeur japonais nous préparant d'ailleurs une nouvelle édition de Bionic Commando pour Xbox 360 et PlayStation 3, de même que Bionic Commando Rearmed, un remake du classique pour Xbox Live Arcade et PlayStation Network, sans oublier Street Fighter 4 en développement sur la Xbox 360 et la PlayStation 3, tout comme le remake de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, prévu pour Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Ça en fait beaucoup des jeux à venir pour eux. Si Resident Evil 5 fera certainement tourner bien des têtes au E3 le mois prochain, plusieurs s'interrogent sur les deux projets top secrets qui seront dévoilés à l'occasion. Pour Jouer.com, il croit fermement qu'un successeur à Dead Rising sera présenté. Paru sur la Xbox 360 il y a 2 ans, le titre avait fait un malheur. Capcom s'était promis de revisiter cet univers, alors pourquoi pas situer Dead Rising 2 sur un luxueux navire de croisière, demande François Tadé. Si Capcom revoit le système de mission et de sauvegarde du jeu, ce sera certainement un titre à surveiller. Quant au deuxième titre, il croit fermement que Mega Man est fin prêt pour effectuer un grand retour sur les consoles de nouvelle génération. Je crois qu'il y a eu confirmation sur Mega Man 9. Est-ce que je me trompe? J'ai lu vraiment de nouvelles sur Mega Man 9. En tout cas, sinon, c'est une rumeur, mais disons que ça risque d'arriver. Voilà donc pour l'article de Jouet.com. Parlons cinéma un peu, porté par un succès monumental à travers les continents depuis une dizaine d'années. La série Grand Theft Auto pourrait pourtant ne jamais sortir au cinéma. Et pour cause, un film Grand Theft Auto est déjà sorti aux États-Unis en 77 avant d'être rebaptisé Lâcher les bolides en France. Réalisé par Ron Howard et évidemment pas lié à la licence de jeux vidéo autrement plus populaire, ce film aurait poussé Rockstar à passer un accord de non-concurrence avec Fox, si on en croit la journaliste américaine Nikki Finke sur son blog Deadline Hollywood Daily. Afin d'empêcher et de se prémunir d'une adaptation vidéoludique de l'œuvre filmique de Howard, qui pourrait poser quelques problèmes évidents dans l'exploitation du nom Grand Theft Auto, Rockstar se serait en contrepartie engagé à ne jamais participer à la production d'une adaptation cinématographique de la série, seulement à cause du nom. Ils ont dit « on fera jamais de film, parce que si on fait un film, ça va venir à l'encontre du nom du film de Ron Howard ». OK, d'accord. L'information est toutefois à prendre au conditionnel, mais elle pourrait cependant expliquer l'arrêt pour le moins brutal du projet sous-marin avec le rappeur américain Eminem, rapporté il y a quelques temps par Variety, ça c'est ce que dit GameCult.com. Toujours dans le monde du cinéma vidéoludique, selon Variety.com, toujours très au fait des indiscrétions autour de Hollywood, c'est Len Wiseman de Die Hard 4, Godzilla et Independence Day qui a été désigné pour réaliser la future adaptation de Gears of War au cinéma. De son côté, le scénariste de The Fast and the Furious, Tokyo Drift, Chris Morgan, a également confirmé sa présence au projet, qui ne devrait, selon toute vraisemblance, pas voir le jour avant 2010. Maintenant, parlons un petit peu de Nintendo, des études sur les jeux vidéo. Il y en a beaucoup, mais celle-ci, qui porte sur le comportement des adultes face aux différentes consoles, mérite d'être détaillée car elle aboutit à des résultats très surprenants. En effet, alors que Nintendo fait beaucoup de publicité à destination des seniors, vous avez peut-être vu à la télé des personnes d'âge mûr en pleine partie de bowling sur Wii Sports, le cabinet d'analystes Experian montre au contraire que ce sont les 18-25 ans qui plébiscitent la Wii. Pour les plus de 45 ans, c'est la PS3 qui sort du lot, la Xbox 360 plaisant davantage aux 35-44 ans. Une étude très étrange donc, qui va à contresens complet de ce qu'on aurait pu imaginer, dit jeuxvideo.com. Nintendo d'ailleurs annonce par l'intermédiaire de son directeur des relations publiques Mark Franklin que l'E3 réservera son lot de surprises qui devraient particulièrement plaire aux core gamers. Sans en révéler plus, le constructeur parvient à éveiller la curiosité de tous les joueurs en relançant indirectement la rumeur d'un nouveau Kid Icarus. Oui, Kid Icarus, d'un Animal Crossing Online ou même d'un nouveau volet de la saga Zelda. À moins qu'il ne s'agisse d'une franchise inédite qui serait alors révélée au cours du salon du jeu vidéo de Los Angeles. Quoi qu'il en soit, Nintendo semble tout disposé pour faire un pas vers les core gamers. Un public qu'elle avait un peu délaissé ces dernières années au profit des jeux un petit peu plus casual, comme on dit en anglais. Par exemple, Wii Sports, des jeux comme Wii Fit ou les entraînements cérébraux, des jeux que n'importe qui peut prendre et jouer. Les core gamers, c'est des joueurs qui sont vraiment professionnels presque de jeux vidéo, qui connaissent ça depuis toujours et qui veulent pas des petits jeux faciles, ils veulent des jeux qui défient leur intelligence. Voilà. Après ces déclarations houleuses au sujet des geeks et des otaku, on en parlait un petit peu la semaine dernière à l'émission, seul à se soucier de l'espace de stockage limité de la Wii depuis l'arrivée massive de titres sur Virtual Console et sur WiiWare, Laurent Fischer change son fusil d'épaule. Ainsi, le grand Manitou du marketing européen de Nintendo confie finalement que la firme est consciente du problème et cherche actuellement une solution. Attention, ceci dit, Fischer a clairement écarté l'éventualité d'un disque dur externe sur la Wii, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une mise à jour de la console qui la rende capable de stocker et surtout de lancer un jeu à partir d'une carte mémoire. La semaine dernière, la chose, c'était que quelqu'un avait dit que les manques d'espace sur la Nintendo Wii, c'était seulement les geeks et les otaku, là, les joueurs vraiment sérieux qui avaient ce problème-là, et puis c'était pas important. La plupart des gens, là, c'est pas grave, il en manque pas de mémoire, les gens. Normaux, t'sais. Enfin. Si la Wii fait le bonheur du grand public, ses accessoires font le bonheur des informaticiens. Après la vidéo d'un étudiant du MIT qui avait détourné l'utilisation de la Wiimote et de la Sensor Bar, vous pouvez retrouver le lien sur lunchance.com, c'est au tour d'étudiants du German Research Center for Artificial Intelligence de détourner l'utilisation de la Wii Balance Board pour évoluer dans Google Earth ou tout simplement diriger son avatar dans World of Warcraft et Second Life. Si vous voulez voir les liens, c'est sur le www.unechance.com. L'article s'appelle « Détournement de Wii Balance Board ». Voilà, parlons de Sony maintenant. Dans la lignée des téléphones portables consoles gérant les mouvements, le fabricant de mobiles Sony Ericsson a dévoilé le F305, un téléphone très axé sur le jeu. Prévu pour septembre 2008, ce téléphone se veut très orienté pour le jeu et promet d'ailleurs d'élever cette activité sur les portables vers de nouvelles hauteurs. Belle traduction, ça, artgamers.com. Il sera distribué avec des jeux de bowling, de pêche et de course hippique intégrant le contrôle de mouvement de la machine. Le téléphone gérera aussi les contrôles de jeux plus traditionnels avec des boutons dédiés, un O et un X, qui auront un style et une apparence similaire à ceux de la manette de la PlayStation. On nous promet de plus jusqu'à 8 heures de jeu par charge. Bien que les jeux avec les détecteurs de mouvement soient devenus très populaires depuis le lancement de la Nintendo Wii, beaucoup d'appareils moins connus ont essayé d'implanter cette technologie depuis son apparition il y a quelques années. Et finalement, les propriétaires de PlayStation 3 auront eux aussi droit à des succès semblables à ceux disponibles sur Xbox 360. Là, par les succès, on parle de trophées, là, si on veut, de choses que tu réussis à accomplir dans un jeu et ça te donne un prix. C'est bon. En effet, donc, Sony Computer Entertainment a annoncé qu'elle implantera un système semblable dans la version 2.40 du firmware de la PlayStation 3. Le firmware, c'est le micro-logiciel, le logiciel à bord de la console, à la différence que ses succès se nommeront des trophies pour Sony. L'implantation des trophies laisse entrevoir le désir de Sony de rattraper du terrain par rapport à Microsoft. En effet, la présence des succès sur Xbox 360 pousse bien des joueurs à opter pour une version 360 d'un jeu multiplateforme, ce que Sony tentera de contrer par la mise en place des trophies. Par ailleurs, la mise à jour 2.40 ajoutera aussi le support de l'interface XMB de la PS3 au sein des jeux. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois la mise à jour disponible, vous allez pouvoir accéder à l'interface de la console tout en jouant. Vous pourrez donc naviguer dans les menus de la PS3 afin de consulter, entre autres, votre liste d'amis ou vos pièces musicales sans quitter une partie en cours. Impossible de savoir pour le moment quand la version 2.40 du firmware de la PS3 sera disponible, bien que des rumeurs laissent entendre qu'elle pourrait être lancée cet été. Voilà. Ça fait le tour pour le bloc F5 jeux vidéo, extrêmement, extrêmement long. Aujourd'hui, ça fait 25 minutes 30 secondes que je vous parle de nouvelles de jeux vidéo et j'ai besoin d'air. Donc, avant de passer en musique, voici le top 5 des jeux les plus loués dans les superclubs Vidéotron. En 5e place, c'est Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy sur Xbox 360. En 4e, c'est Mario Kart Wii sur la Wii. En 3e, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot sur PS3. En 2e, Ninja Gaiden 2 sur Xbox 360. Et le jeu le plus loué dans les superclubs Vidéotron. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est Grand Theft Auto 4 sur 360. L'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, votre guide de l'Internet, votre moment de plaisir de la semaine, on pourrait dire que si c'est nouveau, on aime ça. Hein? C'est de même que ça se passe. Dans quelques minutes, on parle de science et de technologie avec, entre autres, le travail sur le BlackBerry. Est-ce que vérifier son BlackBerry compte pour du travail? Pensez-y, on en parle au retour. Voici, Hobbies, la descente du coude, 89.1 FM. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. Mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. Me confie au silence qui passe. Les mots tuent les morts, tuent les sept tours de langue. le tourbillon de la parole, du sage, universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en marche. On orbite tout bien en top. Je suis à l'ordinaire dans l'opro. De cracher sur le boursier. J'pendrai pas mon idéal. La descente du coude. Oh, mais que c'est bon avec la pièce Hobbies à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. J'espère que vous aimez ça, les musiques qu'on passe. C'est dans les palmarès de C'est fou, donc c'est bon. Science et technologie, donc, on commence avec une nouvelle assez intéressante. La semaine dernière, Desjardins Sécurité Financière dévoilait une étude qui révèle un niveau de stress accru pour les entrepreneurs comparativement à l'année dernière. La raison? Ils sont trop facilement joignables. Et si l'utilisation du BlackBerry engendrait du temps... Oh! Et si engendrait... Belle règle grammaticale brisée chez branchez-vous.com. Si l'utilisation du BlackBerry engendrait du temps supplémentaire. Non, c'est bon. C'est bien écrit. Je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Pas question, selon ABC, qui vient de retirer leur BlackBerry à trois de ses rédacteurs. Revenons sur nos petits moutons. Tout un conflit vient d'éclater selon la convention collective des rédacteurs. Tout temps supplémentaire doit être rémunéré à temps et demi. Mais voilà qu'un mémo a annoncé aux rédacteurs qu'ils ne seraient pas rémunérés pour le temps à consulter ou à répondre à ses courriels en dehors des heures de bureau. Mise au fait du mémo, la Writers Guild of America, qui représente les rédacteurs, a protesté. Selon les propos requis par le New York Times, ses membres veulent s'adapter aux nouvelles technologies, mais veulent éviter de travailler 24 heures sur 24. Confronté au mécontentement de ses employés, l'administration d'ABC a préféré retirer les appareils des employés concernés le temps qu'une entente survienne. Est-ce que ça compte pour du travail? Ben, certainement, parce que tu penses au travail, tu vérifies tes courriels du travail qui ont rapport avec ton travail, comment est-ce que ça n'a pas rapport au travail, tu sais? Tiens, toujours dans les téléphones cellulaires, selon Google, on verra apparaître des téléphones propulsés par sa plateforme libre Android dès la seconde moitié de 2008. The Wall Street Journal, elle, l'annonce pour le quatrième trimestre et les opérateurs demeurent vagues peut-être au début de 2009. Vraiment, demande branchez-vous. Google risque bien d'être victime du changement dans l'industrie de la téléphonie cellulaire. Avec la sortie annoncée de l'iPhone 3G le 11 juillet, Apple risque de donner un gros coup à Android. En effet, l'iPhone 3G sera moins cher, plus rapide et plus polyvalent. La plupart des développeurs qui font face au dilemme iPhone-Android ont choisi la plateforme d'Apple. Dans une entrevue avec le Wall Street Journal, Nihal Mehta, le cofondateur de Buzzed Inc., expliquait son choix de l'iPhone par, et je cite, « la clarté des directives destinées aux développeurs et par la disponibilité d'appareils pour tester ». En effet, plusieurs aspects, notamment quant aux revenus que pourront générer les développeurs d'applications de l'Android, restent à déterminer. Les fabricants de téléphones, les développeurs et les membres de l'équipe d'Android devront donc être audacieux dans la mise en marché d'un produit aux concurrents féroces. Et qui sait, peut-être Android sera-t-il nous épater, demande branchez-vous. Donc Android, c'est pas des téléphones cellulaires, c'est bien juste un système d'exploitation qui va sur des téléphones cellulaires. Parlant de cellulaire tantôt on parlait du iPhone, le magazine Time publie un article dans lequel on découvre que l'appareil d'Apple est probablement le téléphone cellulaire le mieux adapté aux besoins des amateurs de pornographie. En fait, selon un représentant de la compagnie de production Sin City Entertainment, l'appareil serait le « porn friendliest phone ». Dans un contexte où la pornographie mobile devient de plus en plus importante et surtout que la demande pour du contenu pornographique adapté au iPhone a augmenté par 5 depuis le début de l'année, l'appareil est en voie de devenir l'appareil de référence en matière de développement pornographique mobile. Selon une étude, un tiers des usagers du iPhone regardent des vidéos à l'aide de l'appareil, c'est 10 fois plus que les usagers d'autres téléphones cellulaires. Lorsqu'on ajoute à ça le fait que les utilisateurs dépensent en moyenne 5 fois plus que les autres utilisateurs de téléphone pour le divertissement à partir de leur appareil et que les 3/4 sont des hommes, vous comprendrez que plusieurs intervenants de l'industrie de divertissement pour adultes mettent beaucoup d'espoir dans le lancement de la seconde génération de l'appareil. Une seconde génération qui viendra augmenter considérablement le nombre de clients potentiels. Selon l'association qui représente l'industrie du divertissement pour adultes, l'AVN, on compte déjà plus d'une centaine de sites web spécialement conçus pour offrir du contenu pornographique dans les normes utilisées par le iPhone. Depuis quelques jours, Google offre son service Google 411, Google 411 aux Canadiens, disponible uniquement en version anglaise. Pour le moment, Google dit travailler sur une version française. Ce service permet de faire de la recherche à partir du moteur de recherche, mais par le biais de téléphone avec fil ou de téléphone cellulaire. En composant le numéro 1-800-GOOG-411, l'utilisateur rejoint automatiquement un système automatisé qui lui demande de préciser son lieu d'appel, le nom du commerce qu'il cherche ou le type de service. Par la suite, Google propose jusqu'à 8 choix en offrant un complément d'information avec adresse et numéro de téléphone, des infos que Google peut également envoyer par SMS 1-800-GOOG-411. Les applications interactives BD Live pourraient se retrouver dans les titres Blu-ray de Warner Brothers à compter de l'hiver prochain. Dans une allocution faite à l'occasion de l'Entertainment Supply Chain Academy Conference à Los Angeles, Darcy Antonellis, présidente des opérations techniques de la Warner, a déclaré que son entreprise allait intégrer des applications BD Live à ses titres Blu-ray à compter de l'hiver, selon Blu-ray.com. Les titres qui n'ont pas encore été confirmés incluront notamment un moteur de recherche, un outil de recommandation avec service de courriel, des sonneries et des fonds d'écran. BD Live permet de connecter le lecteur Blu-ray à Internet pour accéder à du contenu supplémentaire ou pour interagir avec une communauté en ligne par l'entremise d'un jeu multijoueur ou encore d'un réseau social lié au film. Un procédé qui, selon Darcy Antonellis, a la capacité de concurrencer avec MySpace et YouTube puisque nous serons en mesure de créer une communauté d'utilisateurs en ligne, ce que nous n'avons jamais pu faire auparavant. C'est énorme pour nous, a-t-elle dit. Un procédé qui, selon elle, permettra également de prolonger la vie des titres Blu-ray de Warner. Notons que Sony doit bientôt sortir un lecteur Blu-ray, le BDP S350 muni d'un port Ethernet, mais il faudra toutefois procéder à une mise à jour du logiciel interne afin d'accéder au service BD Live. Un deuxième lecteur de Sony, le BDP S550, est prévu pour l'automne. Il sera également muni d'un port Ethernet et d'un port USB, mais par contre, il sera prêt à accéder à BD Live sans mise à jour. Voilà pour une avancée assez intéressante. Maintenant, dans les nouvelles robotiques de la semaine, des chercheurs sud-coréens viennent de mettre au point un autre robot animal appelé Pommy, le Penguin Robot for Multimodal Interaction. Selon un article du Korea Times repris par l'agence France Presse, ce pingouin peut voir, entendre, toucher, être expressif et même dégager des odeurs dépendant de son humeur. Pommy a été développé par un organisme gouvernemental appelé Electronic and Telecommunications Research Institute, l'ETRI, avec comme objectif de le mettre sur le marché rapidement. Si tout se passe comme prévu, il est question que les premiers robots soient sur le marché dès cet été. Que fait Pommy, me demandez-vous? Comme son nom l'indique, il interagit avec l'humain. Il sera en mesure de bouger les yeux, les sourcils et même la pupille de l'œil dans le but d'exprimer des émotions. Au niveau du cœur, il aura un petit haut-parleur capable de reproduire des battements variés selon s'il se sent bien ou pas. L'ordinateur principal comporte un programme de reconnaissance de la voix et de ce fait, Pommy est en mesure de répondre à des questions grâce à des senseurs. On dit qu'il est également en mesure de localiser et de reconnaître un humain. Selon ses inventeurs, les technologies utilisées pour tenter de lui faire exprimer ses émotions serviront à développer d'autres robots du genre encore plus évolués. À ce stade-ci, Pommy est en fait un gadget plus ou moins utile, mais de nombreuses recherches à travers le monde ont pour but d'intégrer les robots à notre vie quotidienne. Certains travaux sont particulièrement intéressants du côté de l'aide aux personnes âgées ou aux personnes en période de réhabilitation à la suite d'une blessure ou d'une chirurgie. À ce sujet, la recherche est passablement avancée du côté de l'Université de Sherbrooke au Québec. On en parlait il y a quelques semaines. L'article vient de Canoë. Toujours dans le domaine des robots, c'était une question de temps, dit Radio-Canada.ca. Après la petite amie virtuelle sur téléphone cellulaire, voilà que la petite amie robotisée arrivera bientôt dans les magasins japonais. Dès septembre, le fabricant de jouets électroniques Sega va mettre sur le marché Emma, l'acronyme de Eternal Maiden Actualization. La petite amie de 38 cm de haut fonctionne à l'aide de piles et se vend au prix de 175$. Prête à embrasser sur commande, Emma se sert de capteurs infrarouges pour reconnaître la présence de son petit ami à ses côtés et enclencher son mode amour. Le fabricant dit que, bien qu'elle ne soit pas humaine, elle aurait des comportements similaires à ceux d'une petite amie. Et je lui promets une longue carrière d'hôtesse dans les expositions commerciales, car elle sait également remettre des cartes d'affaires, chanter et danser, dit Bruno du Carnet Techno de Radio-Canada. Et dernier robot de la semaine, quatre petites et moyennes entreprises japonaises spécialistes de la robotique grand public ont créé une fédération pour accélérer le développement de robots domestiques et faciliter leur adoption par les familles. TMSOC, VS Stone, ZMP et Business Design Laboratory, issus de régions japonaises qui se veulent des pôles de développement robotique, ambitionnent ainsi de créer plus rapidement une nouvelle génération de robots destinés à monsieur ou madame tout le monde. Et je cite, « Les activités de recherche et développement ne suffisent plus pour permettre au marché de se développer. Il est désormais nécessaire de se rapprocher davantage des besoins des clients potentiels. Il n'est plus opportun de concevoir des technologies dans un but purement scientifique. Il est temps d'apporter une réponse à des problèmes de société et d'accompagner de nouveaux modes de vie », soulignent les quatre PME dans un communiqué conjoint. TMSOC, puis Stone, ZMP et Business Design Laboratory sont connus pour leurs robots de divertissement ou d'assistance, pour le moment essentiellement utilisés à titre expérimental ou proposés à petite échelle commerciale. Business Design Laboratory a par exemple conçu un robot réplique du chaton rose Hello Kitty, capable de communiquer et de tenir compagnie à des personnes âgées. Les quatre jeunes vont mener des campagnes de promotion communes et travailler ensemble au développement de leurs activités, y compris à l'étranger, espérant ainsi éviter d'être doublés par des rivales sud-coréennes également très en pointe dans ce domaine. Encouragés par l'État qui a fait de la robotique d'assistance une priorité, de nombreuses grandes et petites entreprises nippones conçoivent des robots capables de prêter main forte aux humains de tous âges, à domicile ou au travail, pour leur rendre la vie plus facile. Et finalement, des chercheurs de l'université de Leeds en Grande-Bretagne affirment avoir mis au point un nouveau type de machine à laver, dont le processus de nettoyage ne requiert qu'une seule tasse d'eau, à laquelle on a ajouté un peu de détergent. L'appareil se nomme Xeros, ne pas confondre avec Xerox, dit l'article. Conçu dans le but de sauver des milliards de litres d'eau chaque année, celui-ci n'utilise qu'une tasse d'eau et laisse le linge pratiquement sec, ce qui fait que la sécheuse n'est plus nécessaire. Est-ce trop beau pour être vrai? Demande Canoë.com. Le principe est le suivant. Les vêtements dans la machine à laver sont mélangés à une tasse d'eau contenant un détergent et à 20 kg de particules de plastique qui frottent le linge et absorbent la saleté. Ces particules sont récupérées à la fin du cycle dans un tiroir situé sous la cuvette de lavage et peuvent être réutilisées une centaine de fois, l'équivalent d'environ 6 mois d'utilisation normale. Le professeur Stephen Birkinshaw, l'inventeur de la machine, dit que les résultats obtenus sont carrément étonnants. Et je cite, « Nous avons fait différentes expériences avec toutes sortes de tâches, incluant du rouge à lèvres et du café. Notre conclusion est que la machine fait disparaître toutes les tâches normales. Si tout se passe comme prévu, ce nouveau modèle de machine à laver devrait être commercialisé sur petite échelle d'ici la fin de 2009. Certains observateurs estiment que le principe d'économie d'eau et d'énergie est excellent, puisque selon les responsables, un cycle normal ne requiert que 2% de l'énergie nécessaire à l'utilisation d'une laveuse et d'une sécheuse normale. Cela dit, le plus difficile sera certainement de convaincre les gens que leur linge sera aussi propre et aussi net qu'avec les techniques actuelles. De plus, on peut présumer que les grands noms de cette industrie auront des arguments chocs pour convaincre les ménagères que la recette actuelle est encore meilleure. Évidemment, l'industrie du savon pour laver les vêtements doit être assez fâchée avec cette nouvelle. Moi, par contre, très heureux. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle. J'ai hâte d'avoir des développements à vous passer sur ce sujet-là. Voilà pour le bloc science et technologie. Voici les logiciels les plus téléchargés sur download.com en ce moment même. En cinquième, c'est l'antivirus Avast Home Edition. En quatrième, un autre antivirus Avira Antivir Personal. En troisième, un logiciel qui vous importe des virus directement dans votre ordinateur, LimeWire. En deuxième, l'anti-espiogiciel Adware 2008. Et le logiciel téléchargé sur download.com en ce moment même, c'est AVG Antivirus Free Edition. Nous, on continue notre série en concert. Deuxième semaine, on est rendu au parti 4. 5 et 6. On va entendre la quatrième qui est Explanation, l'artiste avec Girls Melon. Ça, c'est ce qui vient de jouer. Là, ce qui commence, c'est Fight Against Monsters, Let's Get Invisible. Ça vient de la série Heavy Troopa is Ready to Launch, un hommage à Super Mario RPG. Vous écoutez La Connexion, on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles! Formation Let's Get Invisible avec la pièce Fight Against Monsters, précédée de Girls Melon avec Explanation. La prochaine, c'est encore Girls Melon. Voici Still the Road is Full of Dangers. À la connexion! 89.5. We'll be right back. Girls Melon, Still the Road is Full of Dangers. C'est déjà la fin de la première heure de la connexion, mais avant, parlons un petit peu de ce qu'on vient d'entendre. Abby Trooper's Ready to Launch, qui est une compilation, un hommage, une célébration de la musique de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. C'est dans trois albums, ça a recréé toutes les pièces ou presque du jeu et la plupart des scènes. Donc, de ce jeu qui vient de Nintendo et Squaresoft en 1996. Allez voir le unechance.com pour le lien pour télécharger la pochette et les trois CD pour avoir la collection chez vous. Dans quelques minutes à la collection, dans la deuxième heure, on va parler entre autres de nouveautés en magasin. On va aussi parler d'informatique. Tout ça plus vos chroniques préférées. Un tour du net, restez avec nous, c'est la collection 89.1 FM. Bon, ça c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo sur CFOU 89.fm. Moi, je m'appelle Mathieu Plante, c'est vrai. Le site de l'émission, c'est le www.unechance.com, www.unechance.com. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et télécharger la balado-diffusion en MP3 à chaque semaine. Dans quelques minutes, on va faire le bloc bientôt sur vos écrans. Vous allez savoir à quoi vous allez jouer pour les prochains mois. Très, très bientôt. Mais avant, voici une pièce de la formation Wood Hands. Leur album est Heart Attack. Et tout de suite, voici Dancer. Dancer, la formation Wood Hands à la connexion. Maintenant, voici la chronique bientôt sur vos écrans. Semaine quand même assez intéressante selon hardgamers.com et les nouveautés en magasin, donc en ce moment même, là, que ce soit sur DS, PlayStation 3 ou Xbox 360, vos choix sont assez durs peut-être. Commençons par les jeux multiplateformes Top Spin 3 sur DS, PS3, Wii et 360. Le jeu basé sur le film Wall-E sur DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii et 360. Alone in the Dark sur PC, PS2, Wii et 360. Hellboy Science of Evil sur PS3, PSP et 360. Hail to the Chimp sur PS3 et 360. Et Battlefield Bad Company sort enfin sur PS3 et Xbox 360. Sur DS, on retrouve les jeux Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, Mega Man Star Force 2 Zerker X Saurian, et aussi Mega Man Star Force 2 Zerker X Ninja, Cake Mania 2, My Weight Loss Coach, pour perdre du poids, Guitar Hero on Tour sort enfin sur DS, et Gourmet Chef aussi. Sur PC, Baseball Mogul 2009, Samurai Warriors 2, Deadliest Catch Alaskan Storm, basé sur l'émission de télé, Elements, The Sims 2 IKEA Home Stuff, American Girl Kit Mystery Challenge, Rugu et SimCity Box. Sur PlayStation 3, Overlord Raising Hell. Sur PSP, Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, The Phantom Fortress. Et ça, c'est juste un jeu. Sur Nintendo Wii, Kokoto Kart Racer, Rock Band et Big Beach Sports. Sur Xbox 360, finalement, Operation Darkness, Supreme Commander et Command & Conquer 3, Kane's Wrath. Les Sims IKEA ou stuff, pour vrai, on est vraiment obligé. Sur PlayStation Network cette semaine, entre autres, des grosses affaires comme Fatal Inertia X. Donc, selon Hard Gamers, des nouveautés sur le PlayStation Network. Un seul jeu, Fatal Inertia X, pour 30$. En démo, Fatal Inertia X version Trial. NCAA Football 2009, Hail to the Chimp Playable, ça veut dire version jouable, et Wolf of the Battlefield Commando 3. Il y a quelques add-ons, dont des nouvelles pièces pour Rock Band, et quelques vidéos, dont Prince of Persia, la première bande-annonce. Il y a un thème aussi, AST Do Tour Theme, la musique de Pain, version trame sonore, et le jeu PSP Gurumin. Et puis il y a aussi un démo de Siphon Filter Dark Mirror. Voilà. Du côté de Nintendo maintenant, Nintendo a mis en ligne un nouveau jeu sur son service WiiWare et deux autres sur la console virtuelle de la Wii. Donc sur WiiWare, qui est dans le fond le magasin où vous pouvez acheter des jeux uniquement disponibles sur la Wii, qui ne sont pas disponibles en magasin. Donc vous pouvez maintenant télécharger le jeu Gyrostar, tandis que sur la console virtuelle, les nostalgiques pourront se plonger dans les univers de Alex Kidd in Miracle World et Burning Fight. Donc, petit résumé de Gyrostar vous demandera de piloter des vaisseaux de l'espace en combattant une multitude d'ennemis. Dans 50 niveaux de jeu, vous allez devoir acquérir de l'énergie, assez d'énergie, afin d'activer d'anciens portails à la fin de chacun de ces niveaux. Voilà. Activision a dévoilé de nouveaux détails au sujet du très attendu Guitar Hero 4 World Tour, qui, pour le rappel, rajoutera un petit peu à la série Guitar Hero la possibilité de chanter et de jouer de la batterie. La firme a confirmé que le jeu sera lancé aux côtés d'une nouvelle guitare sans fil. Cette dernière sera agrémentée d'un nouveau pad sensitif. Ça, c'est Hardgamers qui dit ça comme ça. Pad sensitif qui se trouvera sous les 5 boutons de couleur habituels des guitares de Guitar Hero. Selon certaines sources, ce pad servira notamment à modifier certaines notes de longue durée et à mimer des mouvements de guitaristes. À noter que cette guitare ne sera pas obligatoire pour jouer à Guitar Hero 4, puisque ce dernier sera compatible avec les guitares des opus précédents de la série. Pas moins de 85 chansons devraient être présentées au sein de Guitar Hero 4, dont certaines de Linkin Park, Van Halen et The Eagles. Activision a annoncé cette semaine que les chansons Santeria de Sublime, Rebel Yell de Billy Idol et Everlong des Foo Fighters seront présentées au sein du quatrième opus. Certaines rumeurs font également mention que des chansons de groupes tels que System of a Down, Muse, Interpol et Korn pourraient être offertes au sein du jeu, bien que rien d'officiel n'ait été annoncé en date du 20 juin dernier. À noter qu'aucune chanson téléchargeable de Guitar Hero 3 ne sera compatible avec Guitar Hero 4, ce qui est dommage pour ceux qui ont dépensé diverses sommes pour mettre la main sur des chansons en ligne. Voilà. Guitar Hero 4 World Tour sera lancé cet automne sur 360, PlayStation 3, PlayStation 2 et Nintendo Wii. Ils sortent encore les versions PlayStation 2, hein, ça fonctionne encore. La BBC a récemment pu visiter les studios de Ubisoft Reflections et du même coup apprendre l'existence d'un nouveau jeu de la franchise Driver. Il s'agit ainsi d'une bonne nouvelle pour les amateurs de cette série qui, depuis l'achat de la série Driver et du studio Reflections par Ubisoft, n'avait que très peu de nouvelles au sujet du futur de leur franchise préférée. Selon les informations obtenues par la BBC, le nouveau Driver proposera, à l'instar de Driver Parallel Lines, des décors rétro et modernes. De plus, un soin particulier sera apporté à la modélisation des véhicules. En fait, les artistes de Ubisoft Reflection se sont présentement au travail afin de recréer avec grand souci l'intérieur et l'extérieur de nombreuses voitures, de sorte que lorsque ces dernières auront un accident, elles se déformeront de façon réaliste. Impossible de dire sur quelle plateforme sera lancé le prochain Driver pour le moment. Cependant, Sony avait inclus le jeu dans une liste de 102 titres en développement en 2005 pour la PlayStation 3. Et plusieurs manettes de Xbox 360 ont été vues chez Ubisoft Reflections, laissant croire que le jeu sera à tout le moins lancé sur ses consoles. L'article vient encore une fois de la BBC via rgamers.com. Les fans de la série Need for Speed devront se réjouir puisqu'un autre opus de cette dernière est présentement en développement chez Electronic Arts. En effet, au cours d'une entrevue avec le site gamesindustry.biz, le PDG de la firme a dévoilé l'existence de Need for Speed Undercover. On en sait très peu sur Undercover pour le moment, si ce n'est qu'il sera à dominante narrative. En fait, l'homme a déclaré que le prochain Need for Speed sera inspiré du film The Transporter, dans lequel, si vous ne l'avez pas vu, un chauffeur doit transporter des paquets bien souvent illégaux d'une destination à une autre. Par ailleurs, il est en train de faire oublier la déception que fut Need for Speed Pro Street de deux façons. Premièrement, la trame narrative de Undercover ajoutera de la profondeur au jeu. Et ensuite, l'an dernier, EA avait divisé l'équipe de Need for Speed en deux afin que chacune puisse se consacrer à un jeu de la franchise à être lancé chaque année. Et bien, cela donnera ainsi plus de temps à chaque équipe afin de concevoir un nouveau Need for Speed, puisqu'en se reléguant d'année en année, chaque équipe bénéficiera de 2 ans pour concevoir un nouvel opus de la série Need for Speed. Selon l'homme, tout cela fut fait dans le but de que chaque nouveau Need for Speed offre une expérience mémorable, ce que Pro Street n'a pas proposé selon ses dires. Electronic Arts a mis en ligne une toute nouvelle bande-annonce pour le jeu de Box Facebreaker. Or, cette bande-annonce dévoile non seulement quelques options du jeu, mais aussi la date de sortie de ce dernier. Donc, Facebreaker sera lancé le 5 septembre sur Xbox 360, PlayStation 3 et Wii. Facebreaker offrira une grande variété de boxeurs, chacun possédant ses propres attributs et son propre style. Fait intéressant à noter, vous pourrez apposer votre visage sur la figure d'un boxeur afin d'ajouter une touche de réalisme et de plaisir au jeu. Comme son nom l'indique, le jeu se centrera sur les coups portés au visage d'un adversaire. Bien sûr, vous aurez droit à un système de déformation faciale réaliste qui reproduira l'impact de vos coups en temps réel. Le tout sera accompagné de divers systèmes à exploiter pour faire mal à vos adversaires et de plusieurs poses d'humiliation, dont l'une où vous narguerez le boxeur en face de vous en vous battant avec une main dans le dos. Wow! Après plus d'un an sans nouvelles, voilà que certaines informations concernant le très surprenant Loco Roco ont réussi à percer l'actualité. Bien que rien d'officiel ne fût annoncé, Claire Backhouse, directeur de produits chez SCE UK, a dévoilé à MCV que l'un des titres principaux qui paraîtront cette année est Loco Roco 2, de quoi réjouir de nombreux amateurs. R-Gamers qui relaie cette nouvelle, écrit cette nouvelle. Le site original est mcvuk.com. On va vous tenir au courant, évidemment, si ça s'en vient pour vrai. Electronic Arts a annoncé qu'elle lancera 2 jeux vidéo basés sur les populaires cartes Brain Quest, et ce, pour Nintendo DS. Ces jeux seront mis sur le marché via la division Casual Entertainment de EA et ciblera les enfants du primaire. Les jeux de la série Brain Quest seront disponibles en septembre pour environ 30$ canadiens chacun. Parents, préparez-vous à payer. Cette semaine sort Guitar Hero Aerosmith sur PS3, Xbox 360 et Nintendo Wii. Il s'agit du tout premier épisode de la série à être entièrement consacré à un seul et unique groupe. Cela ne veut pas pour autant dire que vous ne jouerez que des morceaux de Aerosmith. Non. Le jeu y est consacré, mais il n'y a pas que Aerosmith. Faut se détromper là-dessus. La preuve avec la liste des pièces qui vient d'être révélée, les puristes pleureront l'absence de Cryon et trouveront complètement folle celle de Crazy. Oh, vive les jeux de mots de jeuxvideo.com. Donc, entre autres, on retrouve Mud the Hoople, Cheap Trick, The Kinks, Joan Jett, The Clash, New York Dolls, The Cult, Run DMC, Lenny Kravitz, Black Crowes, Ted Nugent, Stone Temple Pilots, Joe Perry, et puis, évidemment, Aerosmith. Il y a là-dedans des pièces réenregistrées et des reprises. Donc, les fans seront peut-être pas heureux de savoir ça, mais au moins, réjouissez-vous du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièces, hein, quand même. Je trouve qu'en tout cas, en regardant la liste, je trouve qu'il y a beaucoup de variétés quand même. On parlait tantôt de rumeurs de Mega Man 9. J'ai trouvé l'article que j'ai lu qui m'avait fait penser ça là. Mega Man 9 a été coté récemment par l'OFLC et juste après ça, un être mystérieux nommé The Shadow a donné quelques informations à plusieurs sites internet. Entre autres, il dit que Rockman 9, c'est le nom japonais, ce Rockman de Mega Man, si je me rappelle bien. Donc, Rockman 9 qui mettra en vedette des styles rétro 8-bit, un hommage aux jeux les plus anciens de Mega Man. Deux personnages jouables, Rockman et Blues, qu'on appelle Proto Man ici, je crois. Chacun avec sa propre histoire unique. Voilà. Enfin bon, allez voir les autres détails sur l'article sur lunchance.com. L'article s'appelle Mega Man 9 Rumors. Voilà qui fait le tour du bloc bientôt sur vos écrans. Ça fait déjà 11 minutes qu'on en parle, mais bon. Voici les jeux et les consoles les plus vendus au Japon. L'effet Metal Gear Solid 4 est certainement là. Commençons par les consoles. En 6e, Xbox 360. En 5e, PlayStation 2. Oui, vous avez bien vu. PlayStation 2 s'est vendu deux fois plus, et maintenant même plus que ça. Peut-être presque trois fois plus. Ouais. Que la Xbox 360. En 4e, Nintendo DS avec presque 39 000 ventes. En 3e, la Nintendo Wii. En 2e, la PSP et la console la plus vendue et PlayStation 3 avec 75 311 ventes selon la société Media Create. Côté jeu, en 5e position, on retrouve au Japon Monster Hunter Portable 2G sur PSP. En 4e, Powerful Pro Baseball Portable 3 sur PSP. En 3e, c'est Wii Fit de la Wii. En 2e, Mario Kart Wii. Et en première place, c'est évidemment Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots sur PlayStation 3. C'est sa première semaine, 465 000 ventes selon Media Create. Voilà, c'est terminé pour cette section. Plus tard, beaucoup de nouvelles informatiques cette semaine, comme toujours. Et peut-être d'autres choses. On verra bien. J'ai aucune idée. Pour l'instant, allons en musique entendre de... Probablement mes deux artistes préférés du moment. J'ai découvert ça récemment. On commence avec le rappeur Whitey Cracker. Voici Doug Digg, suivi de MC Front A Lot à la connexion 89.1 FM. Silent John incremental, another silent instrumental, the nerd rap existential. People compare me to MC Chris upon a lot, but the fact is I predict them with significance. I'm the oldest geek rapper by far, save K&R. I'm compiling kernels, open bracket, cause I racket. And my teeners throw your laser pen in the air and wave it all around like you had no repercussions. Now follow instructions, Professor Whitey's discussions consist of nothing but incoherent rambling and babbling. But you just still take notes cause you never know what's happening. I'll drop a little nugget, a tidbit if you will. There were four United States presidents named Bill. Really? If you run out of hit points, the game will shout. Your life force is running out. If you dig this, then you dug this, cause I'm all about the nerd life, word life. If you dig this, then you dug this, cause I'm all about the nerd life, word life. If you dig this, then you dug this, cause I'm all about the nerd life, word life. If you dig this, then you dug this, cause I'm all about the nerd life, word life, yeah. Let me start again, put it on like a cardigan, swinging like my name was Mad Mardigan. Which reminds me, Warwick Davis was Willow and a Neewalk. Leonard Nimoy was Galvatron and Spock. That ain't typecast, I don't know what it. Talk about predestiny, nobody gets the best of me. I've only played one role my whole lifetime, the nerd lifeline, stream through Wicked Pipeline. So no one can bite mine, cause mine is original. And I write rhymes to burn on a CD, playing the mini B. Soccer mom, yodel back, yodel left belittle me. I got a sidekick, I gotta stay connected. Watch out for my D-com or you'll get infected. And you don't wanna be one of my bots, cause I see it all like Sauron the Cyclops. And I won't hesitate to drop your whole net block if you're acting up and you're dumber than a pet rock. I'm about this nerd life, as you can see, spreading like a virus on MP3. STC. Shout out to Vic, Agnostic One, up with Uncle Silent John. Yeah, yeah. Nerd Life, graphing calculator, HP48G. The G is for gangster. Digital Snip, yeah. You know how we do. Dash.com.

nous allons libéraliser les extensions génériques sur Internet. Outre les .com, .net ou .org, dès le premier trimestre de 2009, les 1,3 milliards d'internautes pourront acquérir des adresses génériques en déposant des mots courants comme .amour, .haine ou .ville ou encore des noms propres. Wow, qu'il était temps que ça arrive! Je pourrais avoir, par exemple, un site comme connexion.cfou. Pourquoi pas? Ou encore radio.cnx. N'importe quoi. Le président de l'organisme qui gère les noms de domaine affirme que 4 critères devront toutefois être respectés. Les extensions choisies ne devront pas violer les marques de commerce. Ça pourrait pas être un point Nike, par exemple. Ne pas ressembler à celles qui existent déjà. Par exemple, ça pourrait pas être un point c'est fou pour quelqu'un d'autre que c'est fou.ca, mettons. Ne pas usurper l'identité d'une communauté ou encore nuire à l'ordre public, par exemple, avec des extensions racistes. Parmi les autres modifications qui pourraient être apportées, l'ICANN envisage notamment de permettre la création d'extensions dans des caractères non latins, par exemple en japonais, en cyrillique ou en arabe. L'ICANN souhaite aussi que soit déployée rapidement la prochaine génération d'adresses IP afin d'éviter une pénurie d'adresses disponibles d'ici 2010 ou 2011. Une adresse IP, c'est un peu comme un numéro de téléphone pour votre connexion Internet. Contrairement au protocole le plus répandu, IPv4, l'architecture IPv6, la nouvelle, offre un plus grand nombre de combinaisons de chiffres possibles, multipliant ainsi le nombre d'adresses IP attribuables à différentes personnes ou compagnies. Yahoo a ouvert 2 nouveaux domaines de courriel mercredi dernier, permettant aux utilisateurs de se choisir de nouvelles adresses plus simples, se terminant par ymail.com et rocketmail.com. Le service de courriel web courant yahoo.com compte plus de 260 millions d'utilisateurs dans le monde, un nombre si élevé que de nouveaux utilisateurs doivent s'imaginer des adresses plutôt élaborées parce que les adresses plus simples ne sont plus disponibles. Par exemple, nature.plante6449289-1983. À yahoo.com. Les comptes de courriel sur ymail.com ou rocketmail.com proposeront les mêmes fonctions et caractéristiques offertes pour les adresses sur yahoo.com, notamment la capacité de stockage illimitée, la possibilité de se servir de la messagerie texte à partir de la boîte de courriel, sans oublier la protection antivirus et anti-pourriel. Très bien, moi j'ai pris l'adresse mathieuplante à ymail.com. C'est déjà enregistré, c'est-tu pas beau ça? J'adore ça. D'ailleurs, Rocketmail, qui était un service de courriel sur lequel Yahoo s'est basé pour une de ses premières versions de son logiciel de courriel. C'était à la fin des années 90. Le plus vieil enregistrement audio de 2 pièces musicales réalisées avec un ordinateur vient d'être dévoilé. Mm-hmm. La pièce Baba Black Sheep et une version tronquée de In the Mood ont été enregistrées en 1951 par la BBC lors d'une visite à l'université de Manchester. Les 2 pièces musicales ont été générées par le Ferranti Mark I, une version commerciale du Baby, le premier ordinateur à programme stocké en mémoire développé par les chercheurs de l'université britannique en 1948. Le mathématicien britannique Christopher Strachey serait le créateur du logiciel qui a permis de produire de la musique grâce à l'ordinateur. Jusqu'à présent, le plus vieil enregistrement sonore informatique connu était le fruit d'un ordinateur d'IBM dans les laboratoires américains de Bell en 1957. Même si les pièces musicales générées par le Ferranti Mark I et l'ordinateur d'IBM sont les plus vieux enregistrements sonores de la sorte, les 2 appareils ne sont pas les premiers à avoir créé de la musique à partir des données musicales inscrites par leur opérateur. Cet honneur revient plutôt au CS Irak, le premier ordinateur de l'Australie qui aurait joué la pièce Colonel Bogey plusieurs mois avant le Ferranti Mark I. Pour plus de détails ou pour entendre l'enregistrement sonore du Ferranti Mark I, allez voir l'article sur le www.unechance.com et là, je suis en train de chercher l'article sur le site unechance.com pour vous le faire entendre dans les prochaines minutes. On va voir si j'ai réussi à faire ça d'ici la fin de ce bloc de nouvelles. Le président fondateur de Microsoft, Bill Gates, entreprend sa dernière semaine à titre d'employé de sa propre entreprise. Sa dernière journée de travail sera vendredi le 27 juin, vendredi qui s'en vient dans quelques jours. Depuis plusieurs mois, Bill Gates s'occupe de plus en plus de sa fondation et à compter de la semaine prochaine, il le fera à temps plein. Il restera cependant président du conseil d'administration de Microsoft, de même que son actionnaire le plus important. La transition est en cours depuis déjà quelques mois. Ses fonctions d'architecte en chef des logiciels ont été confiées à Ray Ozzie. Craig Mundy a hérité de ses fonctions de directeur de la recherche et de la stratégie, alors que Steve Ballmer, plus connu du grand public que les 2 autres, est devenu le PDG. les analystes interrogés par l'agence France Presse sur les conséquences de ce départ divergent d'opinion. Matt Rosoff, analyste dans une firme privée spécialisée exclusivement dans tout ce qui touche Microsoft, dit que tout a été prévu et je cite « Je ne crois pas qu'il y aura de gros changements. Si Bill Gates estime qu'une chose est importante, il va en parler à Steve Ballmer et l'autre va l'écouter. » Mais d'autres n'en sont pas si sûrs. C'est le cas de Rob Enderle, analyste dans une firme qui porte son nom. Et je cite « Microsoft doit s'assurer que l'âme du fondateur demeure au sein de l'entreprise. Peu importe qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une personne, lorsque l'âme a quitté, tout ce qui reste, c'est une enveloppe. » D'ailleurs, depuis que Bill Gates a délaissé ses activités quotidiennes au sein de l'entreprise, les observateurs ont été très nombreux à dire ouvertement que Microsoft n'allait plus nulle part. Le système d'opération Vista, lancé en janvier 2007, a connu sa large part de problèmes. La division des logiciels, autrefois le fer de lance de l'entreprise, est maintenant considérée comme sa faiblesse. La compagnie a échoué lamentablement dans sa volonté d'acheter Yahoo au coût de presque 50 milliards de dollars et sa division divertissement, qui s'occupe de la Xbox, n'a pas encore fait beaucoup de profit. Et je cite encore... Lorsque le fondateur quitte l'entreprise, il emporte souvent avec lui ce qui faisait en sorte que la compagnie était florissante et trop souvent, le vide laissé derrière lui est fatal pour la société. Voilà donc une belle parole. Je suis sur l'article en ce moment même. Voilà. Je crois qu'on devrait l'avoir ici. Écoutons la musique créée par le Ferranti Mark One, l'ordinateur. Donc, ces chansons-là ont été capturées par la BBC à l'automne 1951 pendant une visite à l'Université de Manchester. C'est le tout premier enregistrement d'une musique créée par un ordinateur. Et c'est la chanson « Ba Ba Black Sheep », si l'article avait raison tout à l'heure. Voilà. C'est intéressant, je trouve ça vraiment intéressant. En plein milieu du bloc F5 informatique, parlons de Yahoo un peu là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de Yahoo. La haute direction de la compagnie a perdu des joueurs alors que l'entreprise tentait de calmer la colère de ses actionnaires. Colère qui pourrait ultimement mener au congédiement du PDG Jerry Yang. L'article date du 20 juin et il me semble que j'ai lu quelque chose de plus récent que ça quelque part ailleurs. Je vais chercher un petit peu et puis je reviendrai là-dessus plus tard. La musique en ligne surpassera sous peu le CD, dit la presse canadienne. Le règne du disque compact tirait à sa fin. Une étude laissant entendre que l'achat de musique téléchargée en ligne surpassera les ventes de CD dès 2011. Le dernier rapport de l'entreprise PricewaterhouseCoopers sur l'avenir des médias, publié mercredi dernier, mercredi dernier, fait état de bouleversements profonds dans les habitudes de consommation de musique. Ainsi, l'achat de mélodies sur Internet devrait faire un bond de 28,3% annuellement, passant de 122 millions US en 2007 à 424 millions de dollars américains en 2012. Au même moment, les ventes de CD chuteront de 16,2% à chaque année pour n'atteindre que 235 millions de dollars en 2012, alors qu'elles étaient de 572 millions l'an dernier. La musique sans support physique, à proprement parler, connaît une ascension solide, pendant que le déclin du CD se manifeste plus rapidement que prévu. Déjà en avril dernier, le site de musique en ligne iTunes, ou plutôt le logiciel iTunes de la compagnie Apple, a ravi au géant Walmart Store Inc. le titre le plus important vendeur de musique. PricewaterhouseCoopers s'attend à ce que Apple conserve son emprise sur le marché avec des ventes qui pourraient s'élever à pas moins de 366 millions de dollars américains d'ici 2011. Le français GN Multimédia vient d'acquérir sex.org pour exactement 151 400 $, un record mondial de vente pour un domaine.org. Selon le spécialiste du référencement naturel et exploitation commerciale de nom de domaine. Le site ne contient pour le moment qu'une seule page, mais arbore déjà des bannières publicitaires. Depuis le rachat en 2006 de sex.com pour 12 millions de dollars, puis celui de porn.com, acheté à 47 000 dollars en 1997 et revendu pour 9,5 millions de dollars quelques années plus tard, aucun doute que la pertinence du choix du nom de domaine reste une priorité des spéculateurs. C'est certainement l'idée de GN Multimédia en s'attaquant ainsi à l'Adult Entertainment. Pourtant, les rachats d'autres noms de domaines génériques moins explicites tels que business.com, beer.com, cars.com ou en décembre dernier vodka.com semblent également l'avoir inspiré. En effet, GL Multimédia vient aussi de faire l'acquisition de rencontre.net et voyance.org. Là, on parle de sexe avec un E en français, .org. Le navigateur libre Firefox devrait faire son entrée dans le livre des records, pas grâce à sa barre géniale, sa Awesome Bar, une des caractéristiques de Firefox 3, ou à ses nouvelles fonctionnalités associées à la sécurité, mais en raison du nombre record de téléchargements enregistrés par la fondation Mozilla dans les 24 heures qui ont suivi la mise en ligne officielle du logiciel qui remplace Internet Explorer. 8 290 545 personnes auraient en effet téléchargé Firefox 3 au cours de sa première journée de disponibilité depuis les serveurs de Mozilla et de ses partenaires. Les journaux de connexion doivent encore être nettoyés et analysés de façon à ce que le record puisse être homologué, mais l'optimisme est de rigueur pour la fondation. Le record, lui, est d'autant plus accessible que jusqu'ici, une telle opération n'avait encore jamais été organisée, même si les choses n'ont pas été sans quelques heurts, à commencer par une surcharge temporaire des serveurs chargés de délivrer cette version tant attendue du navigateur Firefox. Baptisée Download Day, cette campagne visait à faire connaître Firefox et à fédérer la communauté autour d'un événement commun. Le décompte pays par pays était quant à lui censé créer une émulation entre les divers adeptes du navigateur. Au final, les États-Unis terminent largement en tête avec plus de 2,5 millions de téléchargements sur 24 heures. Derrière viennent dans le top 10 l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Iran, l'Italie, le Canada et la Pologne. D'ailleurs, Firefox 3 totalise plus de 13 millions de téléchargements chez Mozilla en date de vendredi dernier, donc ça a dû monter beaucoup depuis ce temps, et détiendrait déjà 4,5% ou plus des parts de marché au niveau mondial selon Market Share, opération réussie, dit Clubic.com. D'ailleurs, une première faille de sécurité affectant le navigateur Firefox 3 a été découverte par la firme Tipping Point 5 heures après la sortie officielle du logiciel. Qualifiée de critique, cette vulnérabilité qui n'est pas spécifique à la dernière version du logiciel, mais puisqu'elle touche aussi les moutures antérieures, dont 2.0.x, les versions qui découlent de la version 2.0, permettrait l'exécution de codes arbitraires sur la machine de l'utilisateur. Tipping Point indique avoir immédiatement signalé l'existence de cette faille à la Fondation Mozilla. Le code autorisant son exploitation ne sera rendu public qu'après la publication d'un correctif. L'article date de jeudi dernier. Je ne suis même pas au courant si la mise à jour a été faite sur le site de Mozilla. Je pourrais essayer d'aller voir comme ça, live, voir si version en fait. Peu importe, mais bon, allez voir getfirefox.com pour télécharger toujours la version la plus à jour. Et de toute façon, Firefox se met à jour automatiquement. Et là, ce que je vois sur le site de getfirefox.com, ça écrit toujours version 3.0, donc on peut s'attendre à ce que le correctif n'ait pas encore été publié. Pour entamer une nouvelle existence, un homme a mis aux enchères sur Internet tous ses biens et relations, s'attirant de nombreuses offres d'enchérisseurs intéressés par sa maison, son travail et ses amis. L'article date du 23 juin, c'est-à-dire hier. Ian Usher, un Britannique de 44 ans émigré en Australie qui a eu cette idée après s'être séparé de sa femme, espérait collecter près de 500 000 $ australiens, c'est-à-dire 480 000 $ canadiens. Peu après le début dimanche des enchères prévues pour durer 7 jours, une première offre de 300 100 $ a été proposée sur eBay. En fin d'après-midi, une quarantaine d'offres avaient été déposées, la dernière atteignant 650 000 $ australiens. C'est 150 000 $ de plus que ce qu'il espérait avoir. Hein? Il dit « J'ai débouché le champagne à 15 heures quand le seuil des 400 000 $ a été dépassé. Monsieur Usher, qui réside à Perth, a promis à celui qui emportera la mise de lui présenter ses amis, de lui remettre sa maison d'une valeur de 420 000 $ australiens et de lui faire partager ses loisirs. Le gagnant prendra aussi sa place à son travail dans un magasin de tapis pour deux semaines dans un premier temps et puis plus si son patron y consent. » De sa vie passée, il ne veut conserver que son passeport, son portefeuille et les vêtements qu'il porte. Il a indiqué ne pas être certain encore de ce qu'il fera après la fin de la vente aux enchères. Il dit qu'il veut garder contact avec ses amis aussi. Donc, quand même, c'est pas qu'une mauvaise chose de se débarrasser de ses amis comme si c'était tous des imbéciles. Parlons de vendre des choses sur Internet, parlons de troc un peu. Vous vous rappelez peut-être de Carl McDonald, ce jeune homme qui, grâce à Internet, avait réussi à échanger un petit trombone rouge contre une maison en Saskatchewan. Ça fait le tour du monde, tout le monde en parlait. Il a décidé qu'il était temps de faire du troc à nouveau. Monsieur McDonald et son épouse Dominique Dupuis ont décidé d'échanger leur maison et se sont donnés jusqu'au 11 juillet pour évaluer les propositions qui leur seront faites. Monsieur McDonald a confié à la presse canadienne que son épouse avait décroché un emploi à Montréal et que le couple vivait de toute façon rarement à la maison. L'homme originaire de la Colombie-Britannique avait attiré l'attention du monde entier en 2005 et en 2006 avec son projet inusité. Monsieur McDonald avait réussi à obtenir au cours de ses multiples échanges une génératrice, une motoneige, un contrat d'enregistrement de chansons et un après-midi Brady avec Alice Cooper. Il avait finalement échangé un rôle dans un film contre la maison de deux étages située dans la rue principale de Kipling, petite ville de 1000 habitants. Et il a parlé de son aventure sur son blog personnel et a également publié un livre. 1 milliard d'ordinateurs sont actuellement en service dans le monde et 2 milliards devraient l'être en 2014 si ce marché poursuit sa croissance actuelle d'un peu moins de 12% par an, selon une étude de l'Institut d'analyse Gartner publiée la semaine dernière, publiée cette semaine, le 23 juin. Les marchés développés comme les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et le Japon représentent actuellement 58% des PC installés dans le monde, pour seulement 15% de la population mondiale, a souligné le directeur de recherche cité dans un communiqué. Mais le développement économique rapide qui touche les pays émergents devrait réduire progressivement cet écart. Et je cite, « Nous pensons qu'environ 70% des PC installés dans les années à venir le seront dans les marchés émergents. Environ 180 millions de PC, soit environ 18% du parc actuel, devraient être remplacés en 2008, dont un cinquième, et je cite, « sera jeté dans la nature sans prêter attention ou peu à leur toxicité, qui est un problème évidemment majeur. » D'après l'Institut et d'après pas mal n'importe qui a du sens, qui a du bon sens, qui a une tête sur les épaules. Les ordinateurs, ça se recycle, tout le monde. Se recycle. Donnez-les à n'importe qui. Il y a des places qui les acceptent. Enfin bon. Et finalement, 7 courts-métrages de l'Office national du film se retrouveront sur la nouvelle chaîne Internet de YouTube baptisée Screening Room. Donc, l'ONF sur YouTube, une nouvelle chaîne Screening Room qui est dédiée à la présentation de courts-métrages à un public aussi large que possible. Le poète danois de la cinéaste Torrell Cove, récipiendaire d'un Oscar en 2007, est le premier des films de l'ONF à trouver sa place sur cette chaîne électronique bien de son temps. Il est possible de le visionner dès vendredi, donc c'est déjà fait, alors que Ryan de 2004 de Chris Landreth, lui aussi gagnant d'un Oscar, sera diffusé à partir du 18 juillet prochain. Les courts-métrages seront disponibles durant 6 semaines consécutives. On ne connaît pas par contre encore les noms des 5 autres films qui prendront l'affiche sur les écrans d'ordinateur des particuliers, mais l'ONF assure qu'ils seront tous diffusés en 2008. Donc, YouTube Screening Room, nouvel outil pour les gens qui font des courts-métrages. Très, très bonne idée. Très bonne façon de montrer que l'Internet sert vraiment à quelque chose. L'adresse, c'est youtube.com/YT Screening Room. Voilà, connecte les films et les publics dans le plus grand cinéma du monde. C'est leur slogan. Voilà pour le bloc F5 informatique. 18 minutes là-dessus. Je time mes affaires aujourd'hui. Donc voici les mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En 5e, horoscope descend. En 4e, Canada 4-1 monte. Le reste est stable. En 3e, accédé. En 2e, météo média. Et en 1e, c'est les packs. Maintenant, apprenons un petit peu de français. Je sais que vous êtes mauvais en français. Voici Flight of the Conchords avec Foulou Fafa. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Foulou Fafa. Foulou Fafa Fafa. Foulou Fafa. Aïe. Foulou Fafa. Foulou Fafa Fafa. Foulou Fafa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme la mousse. Ananas. Jus d'orange. Bœuf. Soupe de jour. Camembert. Jacques Cousteau. Baguette. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit perroquet de chien. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Foulou Fafa. Foulou Fafa Fafa. Foulou Fafa. Aïe. Foulou Fafa. Foulou Fafa Fafa. Foulou Fafa. Aïe. Où est la piscine? Pardon moi? Où est la piscine? Splash Splash. Hein? Oh, hein? Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français?

de la Colombie-Britannique vient de concevoir le Doggy IQ Test, un ensemble de 12 épreuves qui vous permettront de mesurer l'efficacité du cerveau de Rex dans le confort de votre foyer. Mémoire, temps d'attention, capacité d'apprentissage, résolution de problèmes, le test mesure tout de votre toutou. L'ensemble comprend un cahier d'exercices et un chronomètre. Les antidépresseurs dont vous aurez besoin si votre chien se révèle plus brillant que vous ne sont pas inclus. Ça coûte environ 10$ chez iwantoneofthose.com. Prochain, pourquoi pas. Des lunettes 3D et un cahier pour écrire en 3D. L'idée est très très bonne. Vous mettez les lunettes et vous dessinez littéralement. Vous pouvez voir vos photos prendre vie. Si vous dessinez des affaires obscènes, c'est votre problème. La page du produit est sur lunechance.com. Ça coûte 4$ seulement. L'idée est vraiment très bonne. Et voilà. Le reste sera sur lunechance.com. Il y a entre autres un clavier fait de cuir et un gadget pour faire des boules de crème glacée qui ne couleront pas sur les côtés. Allez voir lunechance.com pour tout ça. Pendant qu'on fait le top des jeux les plus populaires sur oneup.com, les jeux les plus hors demande, qu'ils soient sortis ou non, en cinquième position, on retrouve Etrian Odyssey 2 sur DS. En quatrième, le nouveau Tomb Raider sur PS3. En troisième, Legendary sur 360. En deuxième, Battlefield BC sur 360. Et en première, le jeu le plus populaire, c'est Metal Gear Solid 4 sur la PlayStation 3. Voilà. Que les choses vont vite. On va se faire un petit tour du net. Évidemment, je vous rappelle que tous les liens de l'émission sont disponibles en tout temps sur le www.unechance.com. www.unechance.com. Là-dessus, vous allez pouvoir aussi télécharger la balado-diffusion à chaque semaine. Voilà pour... on s'en va faire le tour du net. Parce que vous savez, il s'en passe des choses sur Internet beaucoup trop. Le top 20 des jeux sur Nintendo Wii pour l'été 2008 selon IGN.com. Donc, les jeux qui vont sortir cet été sur la Wii et que vous devez acheter. Entre autres, Rock Band Special Edition, Top Spin 3, Alone in the Dark, Wally, Guitar Hero Aerosmith. Il y a 4 pages de ça. Allez voir sur lunechance.com pour le lien. Si vous cherchez des jeux à acheter sur Wii, des fois, c'est... Il y a des gens qui ont de la misère à trouver des bons jeux. Allez voir les critiques, allez voir les images, les vidéos, ça vaut la peine. Ensuite, Limbo of the Lost, on en parlait un petit peu plus tôt. Vous savez, le jeu qui a été apparemment... qui met en vedette plusieurs affaires qui ressemblent à d'autres jeux vidéo. Donc, on pense que la compagnie derrière Limbo of the Lost, Majestic Studios, aurait copié d'autres jeux. Si vous voulez faire vos propres comparaisons, allez voir les images et les vidéos postées sur le site de rockpapershotgun.com. Différence... je sais pas. Non, mais vraiment, c'est beaucoup trop similaire. Je regarde ça, je suis moi-même surpris. Voilà, donc rockpapershotgun.com. Le Mimi Shirt, vous savez, sur Internet, les modes passagères ou pas, même des fois, il y en a qui durent plusieurs années. Je sais pas, on peut parler du petit rongeur là, qui sort vire avec surprise. Ou sinon, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a... Je regarde l'image, puis il y en a que moi-même, je comprends même pas. Enfin, vous connaissez les modes sur Internet, ben il y a un T-shirt super joli avec la plupart de ces modes-là. C'est sur Flickr, la photo. Donc, si ça vous intéresse, unechance.com. Ensuite, un œuf de Pâques dans Firefox 3. Vous connaissez le sauveteur alternatif qui est sorti officiellement en version 3.0 la semaine dernière. Il y a une page cachée. C'est about2.robots. Robots avec... est-ce que c'est avec un S? En tout cas, tapez... ouais, c'est avec un S. Avec un S. About2.robots pour avoir une page d'accueil de robots qui vous accueillent en tant qu'humain. Ensuite, un article, encore une fois, de Rock Paper Shotgun qui vous... c'est un genre de guide du débutant pour la Sporn. Ça, c'est la porno dans le jeu Spore. Vous savez, le jeu Spore qui sort bientôt, ils ont sorti un Spore Creature Creator qui vous permet de créer vos propres créatures avant que le jeu Spore sorte. Depuis que c'est sorti, la semaine dernière, les gens créent des créatures sexuelles, évidemment, en forme de pénis, en forme de n'importe quoi, coitus, comme vous voulez. Eh bien, sur le site de Rock Paper Shotgun, ils vous postent des vidéos. Et là, il y en a au moins plusieurs dizaines de vidéos de créatures dans Spore. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Des minutes de plaisir. Download Counter sur Mozilla.com, qui est un compteur en temps réel de gens qui téléchargent Firefox 3.0. Toujours bien, et par pays aussi. Et là, ça y va en termes de téléchargement totaux, par minute. Voilà, téléchargement par minute. Epic Fail, l'expression la plus connue d'Internet en ce moment, c'est Epic Fail. Voici un des Epic Fails en question. Sur le site failblog.org, vous pouvez tous les retrouver. Donc, c'est vraiment un blog d'Epic Fail. Ce que c'est, dans le fond, un Epic Fail, c'est quand quelqu'un fait une gaffe, quelque chose de drôle, un échec total, dans le fond, c'est ce que c'est. Par exemple, un gars qui, pendant la photo de son équipe de hockey, se met à vomir sur la tête du gars dans l'avant. Sinon, on peut avoir une auto dans un lac. Sinon, ça peut être trois sacs de chips dans la même machine qui réussissent pas à sortir les trois en même temps. Ça, c'est un échec épique. Alors, fait bon, allez voir le failblog.org. Moi, en tout cas, c'est un de mes nouveaux sites préférés. Ensuite, une voiture de Google Maps s'est fait prendre par la police la photo. Et sur le site, je l'ai posté là, c'est très populaire sur Internet en ce moment. Une photo aussi qui est très populaire, c'est si Nico Bellic était vrai, existait dans la réalité. C'est quelqu'un qui a fait un dessin par je sais pas quel logiciel, mais assez réaliste de Nico Bellic, le personnage de Grand Theft Auto, le plus récent. Ensuite, une vidéo de Bill Gates qui révèle ce qu'il a fait est-ce que c'était au secondaire? Oui, c'était au secondaire, une école privée de Seattle. Bill Gates devait écrire un programme d'ordinateur pour pour arranger les horaires des étudiants. Là, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de belles filles à l'école. En fait, il y avait trois filles pour chaque un gars. Et donc, il a arrangé son programme pour d'horaire là, pour avoir les plus belles filles dans ses cours. Bill Gates, le héros de tous les geeks. J'aime ça. Et finalement, urbanprankster.com, qui est un site en anglais, mais qui... Vous rappelez le Freeze Grand Central, l'espèce d'affaire que les gens se gelaient... s'arrêtait dans le temps dans une station de métro, là. Ça fait fureur. Un des fondateurs de Improv Everywhere, voilà, a parti urbanprankster.com, qui est un site qui documente toutes ces choses-là, ces affaires sociales où les gens se rassemblent pour faire quelque chose, une blague en public, qui appelle ça des blagues urbaines. Enfin bon. Et finalement, les femmes qui se plaignent que le iPhone est sexiste parce que leurs ongles ne fonctionnent pas sur l'iPhone. Allez voir l'article. Tout le reste de ce que j'ai pas le temps de faire se retrouve sur lunchance.com. Allez-y. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 11h. On rappelle les jeudis et les lundis. Et soyez là le mardi 1er juillet. Absolument, soyez là à partir de 11h pour la connexion, mais à 13h, l'émission spéciale Radio Carton. De 13h à 19h, j'anime une émission spéciale de déménagement avec des pizzas gratuites. Donc soyez là. Jusqu'à la semaine prochaine. De la part de toute l'équipe ici, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Dash, dot, dash, dot, dash, dot, Tom.